était deux fois. Wow. Jamais avoir pour planter les arbres sans scrupule ni syllabe. Alors je me casse à l'autre bout des champs. Il était deux fois un hôtel sans pouce. Je ne sais pas quoi dire. Des rimes pourries et je ratisse ma purée. Il était deux fois, ça coûte les yeux de la fesse, c'est la cerise sur le chapeau. Parle-moi d'amour et je serai là pour toi. Parle-moi d'amour. Goûter, c'est ça. Wow. Wow. Et pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Un chien sur la pelouse, ça ne mange pas de pain. Une chaussure dans la ville, c'est presque rien. Rien d'y croire, alors crois-moi et crois. Il était deux fois. Wow. C'était deux fois. Wow.